Beaucoup d'enculés, beaucoup de mal. Je peux pas reculer en marchant en caille. Baby, c'est ça que t'aimes, de lundi à Friday. Je les baisse sans arrêt quand je suis dans le calme. Je suis dans une fusée, je n'ai que le time. Beaucoup de bordel quand je suis sur scène. Ce qu'elle raconte, c'est pas vrai. Qu'elle achète des pare-balles, des meufs qui sont pas belles. Gros, c'est du fake. Jamais eu besoin de plan B, non, non, non, non. Je l'ai posté 20 bouteilles, c'est plus étonnant. Je suis dans la street, sa mère. Ça t'effraie la salle au gang de latex. Ça compte ta mère, c'est la street, sa mère. Ça fait plus d'un mois que je t'ai pas eu au phone. J'espère que tout va bien. T'inquiète pas, moi je sais parler aux hommes. Sois fier, t'en as fait un. On des affaires loin du terrain. J'essaye le halal, pas je me sens bien. Tout va bien, à part deux trois fils de chiens qui ne connaissent pas. Qui parlent de bons plans, plus d'histoires que je connais pas. Tu sais, papa, au fond de moi je garde espoir. Perdre mes couilles, ça risque pas. Mon pote me raconte sa life, je m'en bats les couilles. Je m'en avec sur la bécane, cascara et faire un tour. Et je lui dis, accélère mon poteau, accélère jusqu'à que mon cœur s'arrête. T'inquiète, moi je baiserai tout. La rue nous laisse des séquelles, j'arrive en haut de l'échelle au point d'en oublier le four. En général, on sait qui on est quand c'est tout seul qu'on fait les choses, un point c'est tout. Fais gaffe à qui tu vas te coller, regarde quand tout va mal, combien on aura autour. Au moins je te le dis comme ça, t'es au courant qu'il faut du courage et le plein d'essence. Continue de rouler, regarde au tournant, c'est les gros virages qu'on prend à 200. Tu vas me faire péter un plomb, le jour où je serai pris pour un con, où il y aura des trous dans les comptes, là, tu vas gâter au plomb. On n'a qu'une vie, réfléchis, relève-toi, t'es prêt pour si tu cries sur tous les toits, stop, arrête-toi. J'ai vu des gens se faire trembler sans jamais bouger le petit doigt. C'est pas l'argent qui nous divisera, c'est bien ça la phrase avant tout ça. Ouais, c'est bien ça la phrase du départ. Imagine je m'assois, imagine je t'en parle, imagine je crache tout ce qu'il y a en moi. Dis depuis toute la haine que j'ai en moi, sans jamais parler néanmoins. Toujours respecter les anciens, mais les anciens vont me respecter moi. J'espère qu'en disant vous tu parles de moi, parce que je vais piquer ta mère avec eux. Je recule pour le moins le route Michael. Je t'envoie une coupe grosse dans ta gueule, percé dans la feuille. Bas ce choix qui ma gueule. Les moutons ont toujours fait peur. C'est eux les plus gros suceurs. Plus tard je le ferai plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Time, money, bénéfice. Drogue, jour au cannabis. Par contre le terrain il glisse. Pas tous les refaits finissent, ville, peintre, fleurs, imérogis. Pense à ceux qui ont pris des fiches. Je connais un quartier vide, que j'ai vos peines sorties vite. Je donne un showcase à la mif, et je sors en ville. Aujourd'hui, un petit a pris des nouveaux habits. Lui, il kiffe, moi, je kiffe, il va rendre jaloux ses amis. À mon avis, moi, ces petits bâtards, je les invite. Leur mère me menace de les rendre, et juste après ça, on monte dans un range. On monte à bord du bolide si t'aimes le risque. On fera le tour du bloc avant de viser l'Amérique. Pour mettre à l'abri mes proches, j'ai dû monter une équipe. Et je fume pas devant mes potes, parce que j'ai peut-être plus de bif. On remonte à bord du bolide si t'aimes le risque. On fera le tour du bloc avant de viser l'Amérique. Pour mettre à l'abri mes proches, j'ai dû monter une équipe. Et je fume pas devant mes potes, parce que j'ai peut-être plus de bif. J'ai peut-être plus de bif, mon poteau monte à bord, c'est un risque.